Chapitre 4, le paragraphe dans le journal. Morrison amena le gig et le poney vers le porche occidental pendant que le capitaine Arundel parlait à la servante de sa cousine, et quelques instants après la voiture emporta le malade à travers la plaine qui s'étend entre les Terworths et la grande route de Camberling. L'ancienne favorite de Mary, la fille du fermier Pollard, apparut sur le seuil d'une boutique rustique au moment où le gig s'arrêta devant la porte de la maison de son mari. Cette bonne Esther, au cœur tendre, revêtue maintenant de la dignité d'une matrone, sous le nom de Mrs. Jobson, tenait un enfant dans ses bras et portait un capuchon en basin qui formait une espèce d'auvent au-dessus de sa figure rose. Mais à la vue du capitaine Arundel, presque toutes les couleurs roses disparurent des joues potelées de la campagnarde, et elle contempla avec étonnement ce visiteur inattendu, croyant presque, si le gig et le poney n'avaient pas été chose trop naturelle pour appartenir au monde des esprits, que c'était le fantôme seulement d'Edward Arundel qu'elle apercevait devant elle. « Oh, monsieur, » dit-elle, « oh, capitaine Arundel, est-ce réellement vous ?» Edward mit un pied à terre avant qu'Esther fût revenue de la surprise que lui causait cette apparition. « Oui, Mrs. Jobson, puis-je entrer chez vous? Je désire vous parler. » Esther fit la révérence et s'écarta pour laisser passer son visiteur. Les manières de la jeune femme furent froidement respectueuses, et elle regarda l'officier d'un air de reproche qu'il n'avait jamais vu sur cette figure. Elle introduisit le capitaine dans un petit salon, sur le derrière de la boutique, appartement propre et garni de meubles en acajou verni, de boîtes en coquillage, achetées pendant la tournée faite par Esther avec son mari dans une des villes d'eau du Lincolnshire, à l'époque de leur lune de miel, et de volumineuses broderies au crochet. C'était une chambre somptueuse, affectée aux prières du jour du sabbat, et ayant vu à travers une rangée de pots de géranium sur un jardin bien tenu, même en cette triste saison de novembre. Mrs. Jobson avança un fauteuil peu moelleux, rembourré de crin et recouvert d'un travail au crochet représentant un paon dans un berceau de roses. Elle offrit ce siège luxueux au capitaine Arundel, qui, dans sa faiblesse, fut bien aise de s'y laisser tomber. « Je suis venu vous demander de m'aider à chercher ma femme, Esther, » dit Edward Arundel d'une voix peine intelligible. Il n'est pas permis à l'esprit le plus énergique d'échapper complètement à l'empire du corps et de le défier. Le soldat commençait à comprendre qu'il était à bout de ses forces et qu'il serait bientôt réduit à une prostration résultant de l'épuisement. « Votre femme ?» s'écria Esther avec empressement. « Monsieur, est-ce vrai ? Quoi ? Que cette pauvre Miss Mary était votre femme légitime ? Elle était !» répondit Edward Arundel sèchement. « Ma femme légitime ? Que voulez-vous qu'elle fût, Mrs. Jobson ?» La fille du fermier fondit en larmes. « Oh, monsieur » dit-elle en sanglotant avec violence. « Oh, monsieur, si vous saviez tout ce qui s'est dit ici et aux Towers contre la pauvre Mary, si vous saviez ce qu'on a dit, cela me fait mal, rien que d'y songer, et je tremble en réfléchissant à tout ce qu'a dû souffrir ma pauvre jeune maîtresse. Et ces cancans m'indisposèrent contre vous, monsieur, je crus que vous étiez un homme méchant et sans cœur. » « Qu'a-t-on dit ? » s'écria Edward. « Qu'a-t-on osé dire contre elle ou contre moi ? On a dit que vous l'aviez entraînée loin de chez elle et que il n'y avait pas eu de mariage, que vous aviez trompé la pauvre innocente pour la faire venir avec vous, que vous l'aviez abandonnée ensuite, que l'accident du chemin de fer avait été comme une punition d'en haut et que Mrs. Marchmont avait trouvé la pauvre Mary toute seule dans une auberge de village et l'avait ramenée aux Towers. « Mais quand même on aurait dit cela !» s'écria le capitaine Arundel. « Ne pouviez-vous réfuter ces cruelles calomnies ? Ne pouviez-vous prendre la défense de ma pauvre femme ?»« Moi, monsieur ?»« Oui, vous. Ma femme avait dû vous dire elle-même la vérité. » Esther Jobson recommença à pleurer à ces mots d'Edward Arundel. « Oh non, monsieur » dit-elle. Et ce fut ce qu'il y eut de plus cruel. « Je ne pus voir Miss Mary. On ne voulut pas me laisser arriver jusqu'à elle. » « Qui ne voulut pas ?»« Mrs. Marchmont et M. Paul Marchmont. » Je me rendis aux Towers dès que le bruit se fut répandu que Miss Mary était de retour. La chose fut tenue secrète, et on dit que Mrs. Marchmont était vivement affectée par le malheur de sa belle-fille. Mon enfant vint au monde à peu près à cette époque, monsieur, mais, aussitôt que je pus me lever, je courus aux Towers avec l'espoir de voir ma pauvre chère Miss. Mais Mrs. Simons, la servante de Mrs. Marchmont, me dit que Miss Mary était malade, très malade, et que personne ne pouvait la voir, excepté ceux qui la soignaient et qu'elle était habituée à voir. Je priais, je suppliais les larmes aux yeux qu'on me permit de la voir, car mon cœur saignait à cause d'elle. La pauvre chérie, en songeant à tout ce qui se disait d'elle, et en reconnaissant que malgré qu'elle fût riche et savante, il se trouvait des personnes qui osaient parler d'elle, comme on n'aurait pas osé parler de moi, la femme d'un homme pauvre. Jubeau retournait plusieurs fois aux Towers, ce fut inutile, et à ma dernière visite, Mrs. Marchmont vint dans le vestibule me dire que j'étais importune et indiscrète, et que c'était moi, et des gens de mon espèce, qui avaient propagé le scandale au sujet de sa belle-fille. Mais je ne me décourageais pas pour cela. J'y revins, et je vis M. Paul Marchmont, qui fut très bon, très franc et très familier envers moi, presque comme vous, monsieur, et il me dit que Mrs. Marchmont était un peu sévère, un peu dure, à l'égard de la pauvre jeune dame. Il parle avec bonté et compassion de la pauvre Miss Mary, et qu'il ferait son possible en ma faveur afin que je puisse voir ma chère maîtresse dès qu'elle aurait repris un peu de courage et serait en état de me recevoir. « Revenez dans une semaine, » me dit-il. « Et qu'arriva-t-il au bout d'une semaine ?»« Au bout d'une semaine, » dit en sanglotant la femme du charpentier, « je repris le chemin des Towers. C'était le 18 octobre, et Miss Mary s'était enfuie la veille. Tout le monde était sur pied pour la chercher de tous côtés. » Je vis Mrs. Marchmont un moment dans cet après-midi. Elle était aussi blanche qu'un linge. Elle tremblait de la tête aux pieds et elle marchait comme quelqu'un qui a perdu l'esprit. « Coupable, » pensa le jeune soldat. « Coupable de quelque manière. Dieu seul sait comment. » Il se couvrit la figure à deux mains et attendit ce que Esther Johnson avait encore à lui dire. Il n'avait pas besoin de questionner ici. Il ne rencontrait ni réserve ni mensonge. Avec presque autant de regrets qu'il avait pu en éprouver lui-même, la femme du charpentier lui raconta tout ce qu'elle savait concernant la triste histoire de la disparition de Marie. « Personne ne fit grande attention à moi, monsieur, au milieu du désordre qui régnait dans la maison, » continua Mrs. Jobson. « Il y a aux Towers une servante nommée Susan Rose, qui avait été ma camarade d'école 10 ans auparavant, et je m'adressais à elle pour tout savoir. Elle me dit que la pauvre Miss Mary Marchmont avait toujours été faible et souffrante depuis qu'elle était guérie de sa fièvre cérébrale. Elle s'enfermait toute seule dans sa chambre et ne voulait voir personne, excepté Barbara Simons et Mrs. Marchmont. Mais le 17 octobre, Mrs. Marchmont lui fit demander de venir dans son cabinet. La pauvre jeune dame y fut, et Susan Rose pensa qu'il y eut de gros mots entre Mrs. Marchmont et sa belle-fille. Car au moment où Susan traversait le vestibule, Miss Mary sortit de chez sa belle-mère, la figure couverte de larmes, et elle criait, en entrant dans le vestibule, « Je ne puis endurer cela plus longtemps. Ma vie est trop malheureuse. Mon sort est trop affreux. » Ensuite, elle monta chez elle, et Susan Rose la suivit jusqu'à sa porte et écouta en dehors. Elle entendit la pauvre enfant qui sanglotait et répétait sans cesse, « Oh, papa, papa, si vous saviez ce que je souffre. Papa, oh, papa !» Bref, elle criait si affreusement que si Susan Rose avait osé, elle serait entrée pour essayer de la consoler. Mais Miss Mary avait toujours été très réservée envers tous les domestiques, et Susan craignait de l'importuner. Il était tard dans la soirée, quand on s'aperçut de l'absence de la jeune dame, et les domestiques furent envoyés à sa recherche. « Et vous, Esther, vous qui connaissiez ma femme mieux que tous ces gens-là, où pensez-vous qu'elle soit allée ?» Esther Johnson regarda tristement le questionneur. « Oh, monsieur !» s'écria-t-elle. « Capitaine Arundel, ne me le demandez pas, je vous en prie, ne me le demandez pas !»« Vous croyez, comme les autres, qu'elle s'est éloignée des Towers pour se détruire ?»« Oh, monsieur, que voulez-vous que je croie, sinon cela ?» Elle fut aperçue en dernier lieu sur le bord de l'eau, et l'un de ses souliers fut ramassé parmi les roseaux. On la chercha partout. Une récompense fut offerte, on inséra des annonces dans les journaux. On fit tout ce qu'il était possible de faire. Et on n'eut pas de nouvelles, monsieur. On ne découvrit pas une seule trace de son existence. Personne ne vint attester que ma maîtresse avait été vue après la tombée de la nuit. Que voulez-vous que je croie, monsieur, sinon que... Sinon qu'elle s'est jetée dans la rivière qui coule au nord de Marchmont Towers. J'essaie de croire autre chose, monsieur. J'ai essayé d'espérer que je reverrai ma pauvre douce maîtresse, mais je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Je porte son deuil depuis 3 semaines, monsieur, car il me semble que ce sera un péché et un manque de respect envers elle que de mettre une robe de couleur et d'aller en toilette à l'église où je l'ai vue si longtemps, si douce et si belle. » Edward Arundel courba la tête sur ses mains et pleura en silence. Il était plus affligé qu'il n'osait se l'avouer à lui-même de ce que cette femme croyait à la mort de Mary. Il avait bravé Olivia et Paul Marchmont comme des ennemis qui tentaient de lui imposer une fausse conviction, mais il ne pouvait ni douter ni se défier de cette honnête créature au cœur tendre qui pleurait au souvenir des malheurs de sa femme. Il ne pouvait douter de sa sincérité, mais il refusait toujours d'accepter la croyance qu'on lui imposait de toutes parts. Il refusait toujours de croire que sa femme fût morte. « La rivière fut draguée pendant plus d'une semaine, dit-il tout à coup, et le cadavre de ma femme n'a jamais été retrouvé. » Esther Johnson secoua tristement la tête. « Cela ne signifie pas grand-chose, monsieur, » répondit-elle. « La rivière est pleine de trous, m'a-t-on dit. Mon mari a eu un apprenti qui s'est noyé dans cette rivière il y a 7 ans et qu'on n'a jamais retrouvé. » Edward Arundel se leva et se dirigea vers la porte. « Je ne crois pas que ma femme soit morte, » s'écria-t-il. Il tendit la main à la femme du charpentier. « Que Dieu vous bénisse, » dit-il. « Je vous remercie de tout mon cœur de la tendresse que vous avez témoignée pour ma pauvre femme. » Il remonta dans le gîte sur lequel l'attendait Morrison, qui trouvait un peu ennuyeuse l'occupation de sa matinée. « Il y a une auberge un peu plus bas dans la rue, Morrison, » dit le capitaine Arundel. « Je vais y descendre. » Le valet regarda son maître avec stupéfaction. « Et vous ne retournez pas à Marchmont Towers, monsieur Edward ? Non. » Edward Arundel avait mis la nature au défi pendant plus de 24 heures, et la nature outragée prit maintenant sa revanche en couchant le jeune homme sur un lit à la simple auberge de Camberling et en l'y retenant prisonnier pendant 3 affreuses journées, dont les longues et interminables soirées étaient, à défaut de mieux, employées par le capitaine à songer à ses malheurs, tandis que Morrison lisait le Times d'une voix monotone et nasillarde pour égayer son maître. Comme ce pauvre prisonnier, lié pieds et mains par la nature qui exerçait ses représailles, détestait les articles politiques et la correspondance étrangère du journal Léviathan. Comme l'anglais de Printing House Square lui donnait des nausées en passant par les lèvres de Morrison, les grands noms qui apparaissaient de temps en temps au milieu de ce flux d'éloquence ne faisaient aucune impression sur l'esprit du malade, que lui importait que la gloire de l'Angleterre fût en danger et que la liberté d'un vaillant peuple fût dans la balance, que lui importait la famine qui désolait l'Irlande et les attaques que les Sikhs perfides et entêtés méditaient sur nos possessions de l'Inde lointaine. Cela lui était bien égal à lui, que les cieux fussent sur le point de s'effondrer et que la terre tremblât sur sa base. Qu'avait-il besoin de se préoccuper de toute autre catastrophe que celle dont sa jeune et innocente femme avait été la victime ? « J'ai manqué à ma mission, » murmura-t-il, parfois à la grande épouvante de son valet de confiance, « j'ai manqué à ma mission. » Mais pendant les jours que le capitaine Arundel passa dans la meilleure chambre du Taureau Noir, la principale auberge de Camberling, et jadis un splendide endroit d'amusement public, à l'époque où les diligences du Nord traversaient ce paisible village du Lincolnshire, il ne resta pas sans le secours d'un médecin qui l'aida faiblement avec des drogues et des ordonnances à lutter contre la nature offensée. Je ne sais pas trop si ce médecin, quelque bien intentionné qu'il fût, ne prêta pas plutôt main forte à l'ennemi, car à cette époque, l'année 1848 nous paraît bien loin, en mesurant le temps par la science, les médecins de campagne étaient sujets à se mettre du côté de la maladie, plutôt que de celui du malade, et à venir en aide à la mort avec leur purgatif et la phlébotomie. C'eût été de cette façon que M. George Weston, le médecin de Camberling et l'obéissant mari de la sœur de Paul Marchmont, eut procédé à l'égard du soldat malade, sous prétexte que sa peau était sèche et brûlante et que ses lèvres blanches étaient desséchées par la fièvre, mais le capitaine Arundel protesta vivement contre un pareil traitement. « Vous ne m'ôterez pas une once de sang, » dit-il, « et vous ne me donnerez pas une seule médecine qui puisse m'affaiblir. Ce que je veux, c'est de la force pour me lever, quitter cette triste chambre et m'en aller à mes affaires. « Quant à la fièvre, » ajouta-t-il avec mépris, « tant que je resterai couché ici et que je ne pourrai exécuter le seul projet que j'ai en tête, elle fera bouillonner mon sang quand même, et toutes les drogues des apothicaires réunies ne sauraient la dompter. Donnez-moi des réconfortants. Inventez-moi quelque chose, monsieur Weston, n'importe quoi, si vous pouvez. Mais je vous préviens que si vous me retenez longtemps ici, j'en sortirai mort ou fou. » Le médecin, en prenant le thé avec sa femme et son beau-frère une demi-heure plus tard, rapporta la conversation qu'il avait eue avec son malade et interrompit son récit par bon nombre de « je lui dis » et « dit-il » et pas mal de commentaires brochant sur le tout. Lavinia Weston regardait son frère pendant que le médecin narrait son histoire. « Il est donc au désespoir au sujet de sa femme, ce jeune et brillant capitaine ?» dit ensuite M. Marchmont. « Oh, c'est épouvantable !» répondit le médecin. « Tout à fait épouvantable. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Réellement, il n'en faut pas plus qu'un spectacle de ce genre pour vous mettre sens dessus-dessous. Il m'a adressé toutes sortes de questions sur la durée de la maladie de Miss Marchmont et sur les noms que je lui donnais et sur ce qu'elle me disait. Il a voulu savoir si elle semblait bien malheureuse, etc. Ma parole, Monsieur Paul, bien que je sois très content de vous voir hériter du domaine et très reconnaissant des généreuses promesses que vous nous avez faites à Lavinia et à moi, j'ai presque souhaité que la jeune fille ne se fût noyée. » Mrs. Weston haussa les épaules et jeta un regard vers son frère. « Imbécile » murmura-t-elle en français. Elle était habituée à parler très librement à son frère en mauvais français d'écolière, sous le nez de son mari, qui n'entendait rien à cette langue et admirait l'instruction supérieure de sa femme. Il la contemplait maintenant en mangeant une rôtie au beurre avec tant de plaisir que cela seul suffisait pour le désigner comme un homme affoulé aux pieds. 4 jours après son entrevue avec Esther, Edward Arundel fut assez fort pour quitter sa chambre du Taureau Noir. « J'irai à Londres par le train de ce soir, Morrison, » dit-il à son valet. « Mais avant de m'éloigner du Lincolnshire, il faut que je retourne encore une fois à Marchmont Towers. Vous pouvez rester ici et faire mon porte-manteau en mon absence. » Un vieux cabriolet vermoulu, que les habitants de Kemberlin regardaient comme quelque chose de merveilleux, fut mis à la disposition d'Edward Arundel par l'aubergiste du Taureau Noir, et le soldat prit de nouveau le chemin de cette sombre maison qui avait été la demeure de sa femme. À peine arrivé, il fut introduit, sans retard, dans le cabinet où Olivia passait la plus grande partie de son temps. L'après-midi touchait à sa fin et les ombres du soir descendaient déjà sur la terre. Un feu lent brûlait dans la vieille grille et une bougie allumée était placée sur un antique secrétaire où la veuve était assise au milieu d'un tas de papiers déchirés qui couvraient le parquet autour d'elle. Les tiroirs ouverts du secrétaire, les chiffons éparpillés et les liasses mal ficelées, jetées négligemment dans les différentes cases, révélait le désordre d'esprit dans lequel Olivia Marchmont vivait depuis quelque temps. La sombre châtelaine des Towers elle-même appuyait son coude sur le secrétaire et contemplait d'un air distrait la confusion qui l'environnait. « Je suis trop fatiguée, » dit-elle, en montrant une chaise à son cousin. « J'essaie d'arranger mes papiers et de trouver les notes à payer et les reçus. On s'adresse à moi pour tout cela. Cela me fatigue. » Ses manières étaient changées. L'air de défi avec lequel elle avait fait face à son parent était remplacé par une faiblesse qui inspirait presque la pitié. Elle appuyait sa tête sur sa main et répétait à voix basse « Oui, je suis trop fatiguée. » Edward regardait attentivement sa figure fanée, si fanée en comparaison de sa fière beauté d'autrefois, que malgré ses doutes sur cette femme, il ne put s'empêcher d'éprouver quelque compassion pour elle. « Vous êtes malade, Olivia ? » dit-il. « Oui, je suis malade, harassé, fatigué de la vie. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pitié de moi et ne me débarrasse-t-il pas du fardeau de l'existence? Je l'ai porté trop longtemps. » Elle dit ces paroles, pas tant pour son cousin que pour elle. Elle ressemblait à Job dans son désespoir et l'adressait tout haut à l'être suprême de tristes protestations contre son angoisse. « Olivia, » dit Edward Arundel très sérieusement, « qu'est-ce qui vous rend malheureuse? Le fardeau que vous portez pèse-t-il sur votre conscience? L'ombre noire qui assombrit votre vie, est-ce un coupable secret? La cause de votre malheur est-elle ce que je pense? Auriez-vous, dans un moment de folie, consenti à vous liguer avec Paul Marchmont contre ma pauvre et innocente femme? Par pitié, parlez et défaites ce que vous avez fait. Vous ne pouvez vous être rendu coupable d'un crime. Il y a eu quelque lâcheté, quelque complot, quelque machination, et ma femme a été trompée par la ruse de cet homme qui l'a entraînée quelque part. Mais il n'aurait pu s'emparer d'elle sans votre aide. Vous la haïssiez. Dieu seul sait pour quel motif. Et dans un moment d'oubli, vous avez prêté la main à ce misérable, et maintenant vous regrettez ce que vous avez fait. Mais il n'est pas trop tard, Olivia. Olivia, il n'est pas trop tard, assurément. Parlez, parlez, Olivia, et réparez le mal auquel vous avez participé. Au nom de ce Dieu, sur la miséricorde duquel vous comptez réparer le passé, je n'exigerai de vous aucune expiation. Paul Marchmont, ce traître doucereux, ce franc homme du monde, qui m'a défié le sourire aux lèvres, subira seul le châtiment. C'est lui seul que je rendrai responsable du tort fait à Mary. Parlez, Olivia, par pitié, s'écria le jeune homme en se jetant aux genoux de sa cousine. Vous êtes du même sang que moi. Vous devez avoir une lueur d'estime pour moi. Ayez pitié de votre parent, ou bien ayez pitié de votre âme coupable, qui périra à tout jamais. Si vous me cachez la vérité, ayez pitié, Olivia, et parlez. » La veuve s'est élevée de sa chaise et s'était éloignée du soldat agenouillé devant elle. Une lueur terrible brillait dans ses yeux et donnait seule de la vie à sa figure cadavéreuse. Tout à coup, elle leva les bras au-dessus de sa tête et tendit les mains vers le plafond. « Par le Dieu qui m'a renié et abandonné, s'écria-t-elle, je déclare que je n'en sais pas plus que vous sur le sort de Mary Marchmont. Depuis le jour où elle a quitté cette maison, le 17 octobre, jusqu'à l'heure présente, je ne l'ai plus revue, je n'ai plus entendu parler d'elle. » « Si je mens, Edward Arundel, ajouta-t-elle en laissant retomber ses bras et parlant avec calme, si je mens en vous disant cela, que les tortures que j'endure soient doublées. Si tant est que dans l'infini de la souffrance il existe une douleur pire que la mienne en ce moment. » Edward Arundel réfléchit un moment sur cette étrange réponse à son appel. Pouvait-il ne pas croire sa cousine ? C'est chose commune pour certaines gens d'affirmer sans honte et des mensonges forcés et impies en face du ciel lui-même qu'elles insultent. Mais Olivia Marchmont était une femme qui, au moment le plus terrible de son désespoir, ne savait pas hésiter dans sa foi en ce Dieu qu'elle avait offensé. « Je ne puis refuser de vous croire, Olivia, » dit le capitaine Arundel un instant après. « Je crois en vos protestations solennelles et je ne compte plus sur vous pour m'aider dans mes recherches de ma femme perdue. Je vous absous de tout soupçon concernant son sort après qu'elle eut quitté la maison. Mais tant qu'elle est restée sous votre toit, elle a été sous votre garde, et je vous rends responsable de tous les malheurs qui peuvent l'avoir assaillie. Olivia, vous avez dû contribuer en quelque sorte à chasser cette malheureuse jeune fille de chez elle. » La veuve avait repris sa place auprès du bureau ouvert. Elle était assise, la tête penchée, la bouche pincée et rigide, et sa main gauche jouait machinalement avec les papiers éparpillés autour d'elle. « Vous avez déjà lancé cette accusation contre moi à l'époque où Mary Marchmont a quitté cette maison pour la première fois, » dit-elle d'un ton de mauvaise humeur. « Et vous étiez coupable alors, » répondit Edward. « Je ne puis me regarder comme responsable des actions des autres. Mary Marchmont est partie cette fois-ci comme elle était partie jadis de son plein gré. Chassée par vos cruelles paroles, il faut qu'elle était bien faible, » répondit Olivia avec un ricanement. Si quelques paroles dures ont suffi pour l'éloigner de sa demeure. Vous niez donc avoir été la cause coupable de la fuite de cette pauvre enfant trompée ? Olivia Marchmont demeura quelques instants dans un morne silence, puis relevant tout à coup la tête, elle regarda son cousin bien en face. « Je nie, » s'écria-t-elle, « et si quelque autre qu'elle est coupable d'un acte qui lui est propre, je ne suis pas ce quelqu'un. » « Je comprends, » dit Edward Arundel. C'est la main de Paul Marchmont qui la pousse à errer toute seule dans un monde de désolation. C'est le cerveau de Paul Marchmont qui a comploté contre elle. Vous n'avez été qu'un instrument secondaire, un jouet volontaire entre les mains de cet adroit misérable. Mais il me rendra compte. Il me rendra compte. » Le soldat prononça ses dernières paroles les dents serrées. Ensuite, le menton courbé sur la poitrine, il demeura assis, songeant à ce qu'il venait d'entendre. « Comment cela s'est-il passé ? » murmura-t-il. « Comment cela s'est-il passé ? C'est un coquin trop accompli pour avoir eu recours à la violence. Ses manières de l'autre matin disaient clairement que la loi était pour lui. Il n'a rien fait qui puisse le mettre en mon pouvoir, et il m'a bravé. Comment cela s'est-il donc passé ? Par quels moyens a-t-il poussé ma chère femme à fuir ?» Pendant que le capitaine Arundel songeait à tout cela, la main droite de sa cousine jouait toujours avec les papiers sur son pupitre, tandis que, le menton appuyé sur son autre main et les yeux fixés sur le mur devant elle, elle regardait la flamme de la bougie qui se réfléchissait sur la boiserie en chêne poli. Ses doigts errèrent çà et là sans but aucun parmi les papiers épars, jusqu'à ce que quelques-uns d'entre eux qui étaient les plus rapprochés du bord du bureau glissèrent en dehors du maroquin uni et tombèrent sur le parquet en voltigeant. Edward Arundel, dont l'esprit était aussi distrait que celui de sa cousine, se baissa involontairement pour ramasser ses papiers. Le premier de ceux qui avaient roulé était un extrait au ciseau d'un journal de province, auquel était fixée par une épingle une lettre ouverte de quelques lignes seulement. Le paragraphe contenu dans cet extrait était encadré dans une double ligne à l'encre tracée par une main ferme. Presque involontairement, Edward Arundel regarda ce paragraphe encadré. Il était très court. Nous regrettons d'avoir annoncé qu'une autre des victimes de l'accident arrivé en août dernier sur le Southwestern a succombé aux blessures reçues en cette occasion. Le capitaine Arundel, de HEICS, le service de l'honorable compagnie des Indes orientales, est mort dans la nuit du vendredi à Dangerfield Park, Devon, résidence de son frère aîné. La lettre était presque aussi courte que le paragraphe. Kemmerling, 17 octobre. Ma chère Mrs. Marchmont, la nouvelle ci-jointe m'arrive à l'instant. Espérons qu'elle n'est pas vraie. Mais au cas où elle le fût, il faudrait la soumettre immédiatement à Miss Marchmont. Il vaut mieux qu'elle la prenne par vous que par un étranger. Votre sincère Paul Marchmont. Je comprends tout maintenant, dit Edward Arundel, déposant les deux papiers devant sa cousine. C'est avec ce mensonge imprimé que vous et Paul Marchmont avez poussé ma femme au désespoir, peut-être à la mort. Ma chère, chère femme, s'écria le jeune homme, dans un élan de douleur qu'il ne put réprimer. J'ai refusé de croire que vous étiez morte. Je refuse maintenant de croire que vous êtes perdue pour moi. Je ne puis pas même le croire maintenant. Non, je ne puis le croire.